Chapitre 15e, courant de fond. Un après-midi au centre-ville, près du théâtre régional, Karim est debout à un arrêt d'autobus pour retourner chez lui. Autant que possible, il évite d'utiliser son véhicule pour trois motifs. Faire bouger son corps, se mêler au peuple des transports en commun pour mieux le connaître, éviter le stress d'affronter les mauvais conducteurs de voitures. Karim attend depuis quelques minutes. Soudain, tout surpris, il voit s'approcher Zara. Il ne peut retenir son profond trouble, et Zara ne réussit pas à empêcher son visage de rougir. Les deux voisins parviennent toutefois à se reprendre, puis à se sourire. Suit un moment de silence. Pour interrompre l'embarras, Karim hasarde. « Tu retournes chez toi ?»« Oui, » dit-elle. « Ah, moi aussi, » ajoute-t-il. Silence. De nouveau embarras réciproque. Sur le visage de Karim, Zara note le reste des hématomes. « Puis-je lui demander d'où ils viennent ?» Karim s'en rend compte. Dois-je leur dire la cause? Les deux regards se détournent l'un de l'autre. Les deux jeunes gens font semblant de s'intéresser aux alentours. Mais les cœurs battent plus rapidement, et les esprits sont en brûlante confusion. Karim reprend l'initiative. Tu viens de ton travail? D'abord surprise, Zara se reprend vite. Oui, et toi? D'une réunion avec des amis. L'autobus arrive. Ils y entrent. Des chaises étant libres au fond, Karim et Zara s'assoient spontanément au fond, l'un à côté de l'autre. Durant le trajet, Zara estime le moment venu de montrer plus d'intérêt à son compagnon de voyage. « Qu'est-ce que tu as au visage ? » L'interrogé ne s'attendait pas à cette question. « Faut-il lui avouer la vérité ?»« Oui. » « Une agression par des inconnus. »« Agression ? Pourquoi ?»« Il vaut mieux ne pas l'inquiéter avec mes hypothèses, » se dit-il. Il répond « J'ignore le motif. »« Tu sais, » déclare Zara d'un ton charmant, les yeux étincelants, ce qui émeut profondément Karim. Je t'ai vu aider Saïd durant le nettoyage. Peut-être les gens n'ont pas été contents et ont voulu te punir. Ah, tu m'as vu ? Réplique Karim, étonné mais content. Oui. Puis-je te poser une question ? Relance Zara, certainement. Pourquoi aides-tu Saïd ? Parce qu'il en a besoin, tout simplement. Zara semble ne pas comprendre. Karim explique. Si j'étais Saïd, j'aimerais bien voir d'autres personnes m'aider. Tout en pensant que sa mission est uniquement d'obtenir de Karim des renseignements à fournir au chef de la police, Zara se sent néanmoins attirée par ce jeune voisin. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a jamais rencontré un homme comme lui. Elle le trouve si gentil, si doux, si paisible, et même heureux, malgré l'agression dont il fut victime. En plus, il semble ne pas succomber, comme tous les mâles qu'elle a rencontrés, sous le charme de sa beauté. Elle se demande « A-t-il une fiancée ? Sinon, satisfait-il son désir comme tant d'autres ?» De son côté, le cerveau de Karim bat bon train. Ah, je dois admettre qu'elle me plaît beaucoup. Cependant, je devrais trouver le moyen de la connaître davantage. Il tente sa chance. Es-tu libre de tes mouvements ? Je veux dire, es-tu libre de sortir quand tu veux, en dehors du fait d'aller au travail ? Elle sourit, un peu gênée. Oh non, mes deux frères ne l'acceptent pas. Voyant la déception sur le visage de Karim, elle s'empresse d'ajouter, les joues un peu empourprées, ce que Karim note avec plaisir. Cependant, en employant la discrétion nécessaire, je peux sortir. Le visage de Karim s'illumine. Il s'efforce de maîtriser son émoi et il propose. Alors on pourrait se voir ? Elle baisse les yeux, intimidée. C'est la première fois qu'une telle proposition m'embarrasse. Attention à ne pas tomber amoureuse. Ce n'est pas mon intérêt. Il me faut obtenir des informations. Oui, dit-elle. Alors donnons-nous nos numéros de portable. Ainsi on s'arrangera pour fixer le moment de nous voir. Pendant l'échange, chacun des deux écoute ses doux battements cardiaques, célébrant l'heureux événement. Toutefois, pour la jeune fille, ce courant de fond, né entre elle et son voisin, provoque un trouble confus. Il fait tinter la sonnette d'alarme. « Attention, Zara, attention !»